regard qu'on pose à cause de ces remarques qu'on ose. Y'a des gens qui se sentent différents. On se fout de tout, on s'en fout, c'est tout. On se joue de vous, c'est piquant. On se fout.